Sorry.

têtes de camé. Ils ont tous des têtes de camé. Ça se défonce, ça se blague. C'est la mode. Ils ont tous des têtes de camé. C'est la mode. Ils ont tous des têtes de camé. C'est la mode. Thank you. Manuel, ce n'est pas n'importe quel souris, c'est Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez, ce n'est pas ton nom. Oui, bien, les seuls à ne pas les connaître, c'est la souris la plus rapide de Mexico. On ne peut pas l'attraper avec nos pattes. Et si tu veux l'attraper, il faut te creuser la cervelle. La cervelle? Mais comment je vais me la creuser? Il n'aura pas besoin, je le ferai à ta place. Allez, viens avec moi, nous allons attraper ce Speedy Gonzalez. the fucking